Gaston Charles Richard, Elsa, détective privée. La grande vie. Chapitre 1. En novembre de 1926, deux Américains, l'homme et la femme, arrivaient à Londres et tout de suite, ils faisaient sensation. Mr. et Mrs. Edwin Leggers formaient un couple merveilleusement apparié et comme on en voit peu. Edwin Leggers était grand, admirablement découplé, les épaules larges, la taille mince, les muscles longs, fins et souples, et si son masque au profil presque romain pouvait paraître un peu dur, la gaieté presque enfantine de ses yeux bleus, le sourire de sa bouche saine, bien meublée et point bardée d'or jusqu'aux gencives, en corrigeait le plus souvent l'expression. Elisabeth Leggers, grande, elle aussi, très brune, si son mari était d'un blond vénitien, avait de larges yeux presque andalous, quoique d'un bleu ardoisé, montrait le plus délicieux des visages, un teint de lait et de rose et des dents éblouissantes. Tous deux avaient loué pour un an, dans le West End, une demeure fort agréable. C'était un appartement de 8 pièces, formant hôtel, admirablement meublé et décoré de frais, comportant une écurie et un garage. Un jeune lord qui, fort prodigue, avait dépensé là sans compter force goût et force argent, le leur avait cédé pour 2 ans avec tout son personnel, lequel comportait cuisinière, femme de chambre, valet de pied, chauffeur, valet de chambre et palefrenier. Il leur avait même vendu, pour une somme importante, 2 très beaux chevaux de selle et une auto américaine de grand style. Ce fut un événement quand, dans Hyde Park, Edwin et Elisabeth Leggers se montrèrent un matin à cheval. Tous deux montaient très bien et leur tenue accusait un souci de correction qui n'était pas pour déplaire. Partout, à Covent Garden comme à l'Empire, aux pièces de Bernard Shaw et aux concerts de grande musique, on ne pouvait pas ne pas remarquer leur présence. Et partout, on les trouvait tels qu'ils devaient être, dans la tenue présente. « C'est presque trop bien !» dit en riant un jour le jeune Lord Fairfax à son ami le marquis de Tiffange. On demanda discrètement quelques renseignements sur les nouveaux venus. On sut que le mari avait déposé à la Bank of Travellers 5 000 livres en compte courant et gardé dans un coffre du même établissement une masse imposante de valeurs américaines de pétrole. On sut que le jeune Edwin Leggers avait fait campagne en France, qu'il avait gagné brillamment devant Saint-Miel son grade de major et que, somme toute, c'était un assez sympathique mauvais garnement. Deux jeunes mariés, beaux, riches, insoucieux, trouvent toujours grâce aux yeux du monde. On leur accorda quelques sourires. Un événement assez peu important en soi, mais d'apparence fort dramatique, vint corser encore l'intérêt qu'on leur accordait. Un matin, à Hyde Park, le cheval d'une Amazone s'emballa et, en quelques instants, eut culbuté un poney et bousculé 2 autres cavaliers. La jeune fille qui le montait faisait des efforts désespérés, et maladroit d'ailleurs, pour en reprendre la maîtrise. Mais, visiblement, elle perdait de plus en plus son propre contrôle. Elle avait déjà lâché un étrier, laissé tomber sa cravache. Elle se cramponnait d'une main à la crinière, de l'autre aux rênes, et, dans ces conditions, l'on pouvait craindre que la bête emballée ne fût cause de quelque dangereux accident, quand, d'une allée transversale, déboucha un cavalier, lancé à bride abattue sur son grand hunter Griffer. Avec une prestesse inimaginable, il bondit en pleine course à bas de sa monture, se jeta à la tête du cheval emballé, le saisit d'une main au naseau, de l'autre au bride, et la bête affolée, sous cette poigne de fer, s'arrêta en moins de 10 mètres. Dit le courageux gentleman d'une voix calme. La jeune fille obéit. Instantanément, Edwin Leggers bondit en selle à sa place. Il n'avait pas lâché son fouet de chasse, resté suspendu à son poignet. Et il s'en servit magistralement pour calmer le cheval qu'il ramena à sa maîtresse un quart d'heure plus tard, après une séance de dressage plutôt ardue. Vous pouvez le reprendre, Miss, dit-il en s'inclinant devant la jeune fille, encore tout émue. Il sera très sage maintenant. Je vous remercie, murmura la jeune fille. Vous m'avez sauvé la vie, je crois. Ne me direz-vous pas votre nom ? Le mien est Eva McOwen. Je me nomme Edwin Leggers, dit-il simplement. Chapitre 2. Le soir même, à 5 heures, alors qu'il prenait le thé, sa femme et lui, on remit à Edwin une carte qui portait ses simples noms et indications. Philip H. McOwen, London, West End. Edwin passa aussitôt dans un salon et trouva là un gentleman d'une quarantaine d'années, très bien mis, grand, assez corpulent, qui se leva à son entrée et s'inclina. « Sir Edwin Leggers ? » demanda-t-il. « Yes, sir, » répondit Edwin. « Je suis le père de la jeune fille que vous avez ce matin tirée de péril, et je suis venu vous remercier de tout mon cœur de ce que vous avez fait pour mon enfant. » dit Philip McOwen avec une sincère émotion. Je n'ai fait qu'accomplir mon devoir de gentleman et ne mérite en rien vos compliments, sir, dit Edwin en s'inclinant. Et je serais un fanfaron si je m'exagérais, d'après vos paroles, le léger service que j'ai pu rendre à Miss Eva McOwen, qui, je l'espère, ne se ressent plus du déplaisir que lui a causé sa monture. McOwen ouvrait la bouche pour répondre quand une porte céda le passage à Mistress Leggers. « Edwin, dit-elle, je m'excuse de vous déranger, mais notre consul vous demande au téléphone. »« Un instant, sir, dit Edwin en se levant. » Puis il ajouta, « Tenez un peu compagnie à Sir Philip McOwen que je vous présente, ma chérie. Ma femme, dear sir. » Il disparut l'instant d'après. « Je suis très confuse !» commença Elisabeth. « Je vous en prie, Mrs. Leggers, ne vous excusez pas. Je suis venue pour remercier votre mari. Je suis le père de la jeune fille qu'il a tirée ce matin d'un grave danger. Oh, j'ai eu vraiment très peur pour elle. Mon mari dit que ce cheval est un vrai démon à reprendre en main et il a monté des animaux véritablement très difficiles, » dit Elisabeth. « Je le crois. » Mon fils dit aussi que c'est un cheval peu commode, mais Eva aime à jouer avec le danger. La conversation ainsi engagée se prolongea durant quelques minutes. Il faut excuser Edwin s'il tarde tant à revenir, dit Elisabeth Leggers. Nous avons en ce moment de gros intérêts à défendre en Amérique. Mais en l'attendant, vous voudrez bien peut-être accepter une tasse de thé. « Vraiment, Mrs. Leggers, je n'ose... »« Il faut oser, » dit la charmante femme avec son plus joli sourire. Elle prit son chapeau des mains de Philip McOwen, le posa sur un meuble. Il voulait refuser, mais c'était l'heure du thé. Le décor qui l'entourait était beau, fleuri, parfumé. Et Mrs. Leggers était bien jolie. « J'accepterai donc, » dit-il en s'inclinant. Il suivit sa belle hôtesse, et du fait qu'il acceptait de boire une tasse de thé chez ces gens qu'il ne connaissait pas, le destin d'un certain nombre de Londoniens se trouva, par la suite, profondément modifié. Il fallut bien que les Leggers rendissent la visite reçue, que Mrs. McOwen et sa fille reçussent, à leur tour, Elisabeth et son mari, et leur offrissent le thé. Les McOwen n'appartenaient point à la gentry londonienne, mais ils comptaient dans le monde des affaires. William McOwen, le fils de la maison, flirta avec Elisabeth Leggers. Edwin se montra exquis de prévenance pour Mrs. McOwen et sa fille. Bref, les Leggers furent régulièrement reçus chez les McOwen, reçurent ceux-ci à leur tour. Et devant le beau couple américain, nombre de portes commencèrent de s'entrouvrir, puis s'ouvrirent tout à fait. Ils étaient si gais, si charmants. Edwin, cavalier magnifique, se révéla joueur de cartes de premier ordre, au polo, au tennis, au golf, et maître incontestable au poker et au bridge. Sa femme dansait exquisement, chantait drôlement les airs à la mode, savait composer 30 espèces de cocktails. On les vit, à Brighton, nageurs de style. Sur le yacht de Willy McOwen, Eva et Betty, Edwin et deux ou trois invités se rendirent à Deauville où, en une nuit, avec une veine incroyable, Edwin gagna 7000 livres contre un grand industriel français. Il en gagna encore 3000 cinq jours après contre un roi de l'acier suédois. Il donna alors un dîner où chaque convive trouva un bijou ou un souvenir sous sa serviette. Il lui en coûta ce jour-là plus de 200 000 francs. Après, ce ne fut qu'un cri partout. Ils sont délicieux, vraiment délicieux. Chapitre 3. Durant plus d'un an, ils vécurent ainsi à Londres. Edwin avait, chez Sheldon, acheté plusieurs beaux bijoux pour sa femme. Par l'entreprise de McOwen, il avait réussi quelques bonnes affaires. Mais il se préparait à en faire de bien plus belles. Un beau jour, chez les McOwen, les Lagers manifestèrent l'intention bien arrêtée de liquider toutes leurs affaires en Amérique pour pouvoir se fixer définitivement à Londres. « Peut-être même nous réclamerons-nous de notre origine anglaise, » dit Edwin, « pour nous faire réintégrer dans la nationalité de nos ancêtres. » Mon bisaïeul, Harry Lagers, qui fut l'un de ces pionniers qui découvrirent là-bas les sources de pétrole, s'enorgueillissait de son origine anglaise. Son père, marin assez rude et de mauvais caractère, était né à Lindus, dans le Dorset. Il eut, je crois, une affaire assez grave avec un autre officier, si bien qu'ils se battirent au sabre et que mon trisaïeul eut le malheur de tuer son adversaire, lequel appartenait à une puissante famille du comté de Galles. Il quitta le service, changea de nom, se fit appeler Hurst et alla s'installer dans la région des lacs où il se fit trappeur. À la manie qu'ils avaient d'affubler les uns et les autres de surnoms, ses pareils le nommèrent Hurst des lacs. Avec le temps et de contraction en altération, Lakehurst est devenu Lagerst. Mais nous ferons des recherches pour retrouver notre véritable nom et redevenir sujets anglais. Peu à peu, on apprit que Sir Edwin Lagerst négociait l'achat d'un hôtel particulier, qu'il avait commandé des meubles, acheté des objets d'art. Ce fut à qui ferait des offres de service à l'élégant gentleman. On connut par les McOwen qu'il avait offert un rubis splendide à sa femme, qu'il désirait acheter d'autres joyaux, des pierres de grande valeur. En effet, il se mit en relation avec des lapidaires et des joailliers. On sut qu'il avait choisi pour plus de 50 000 livres de pierres précieuses chez l'un, pour 40 000 livres de perles chez l'autre. Il se montrait bon connaisseur, n'achetait pas des raretés, mais des pièces de premier choix, les plus grosses perles ne dépassant pas 30 ou 35 grains, ni les diamants plus de 8 ou 10 carats, car au-delà de ces poids, perles et diamants deviennent difficilement négociables. « J'effectue des placements, » disait-il. « Je n'achète pas ces choses pour ma satisfaction particulière. » On sut aussi qu'il avait réexpédié en Amérique les certificats de ses parts bénéficiaires et de ses actions pétrolifères pour les vendre à haut prix. Bref, en quelques semaines, il prit une surface formidable selon l'argot des affaires. L'amitié des McOwen, des relations brillantes, une bonne grâce parfaite, une assurance jamais démentie, une rare générosité, créaient autour d'eux une aura quasi merveilleuse et presque une légende, l'imagination faisant le reste. Pourtant, ils ne se pressaient pas de prendre possession des meubles, ni des objets d'art, ni de terminer l'affaire de l'achat de leur hôtel particulier, encore moins de se faire livrer les pierres précieuses. Un beau matin, les lapidaires s'en vinrent relancer l'Américain. « Je voudrais savoir ce que vous décidez, » lui dit le premier. « Moi aussi, » fit le second. « Mais j'achète naturellement, » dit Edwin. « L'ennuyeux est que je n'ai que quelques milliers de livres en banque. Le règlement de mes affaires en Amérique ne s'opère pas aussi vite que je le voudrais et je dois attendre. « Prenez les pierres et versez-nous des arts, » dit le premier lapidaire. « Nous patienterons pour le reste. » À ce moment, Mrs. Lagerst entra, un télégramme à la main. « Je crois, dit-elle, que voilà les nouvelles que vous attendiez, my dear. » Henry Leggers fit sauter la bande du télégramme et lut tout haut. « Affaire conclue. Lazard vous créditera demain 7 millions de dollars sur Bank of Travelers. Pourrez toucher à partir 15 décembre. Félicitations et amitié. Price. » Tout vient à point à qui peut attendre, fit Edwin Leggers en souriant. Si vous voulez bien me livrer les pierreries, je vous donnerai à chacun un chèque de 1 000 livres à toucher tout de suite et un autre chèque à toucher à dater du 15 décembre. Car j'ai encore un nombre de fournisseurs à régler, à verser des arts sur mon hôtel. Un chèque à dater du 15 décembre me suffira, dirent ensemble les deux lapidaires qui saluèrent en se retirant jusqu'à terre. Chapitre 4. Quelques jours plus tard, une étrange rumeur courut. Sir Edwin Leggers avait disparu. Tout d'abord, on crut à un crime, car Mrs. Elizabeth, dont le désespoir faisait peine à voir, avait confié à Philip McOwen d'abord, puis aux inspecteurs de Scotland Yard, que son mari était parti de chez lui en emportant une lourde valise dans laquelle il avait enfermé perles et pierreries pour aller mettre le tout en sûreté à sa banque. À la banque, on apprit au contraire que Sir Edwin Leggers avait levé son compte courant, ne laissant en caisse qu'une 10aine de livres. On sut à Croydon qu'un passager, dont le signalement répondait à peu près à celui du fugitif, avait pris place dans l'avion qui se rendait à Bruxelles. Et peu à peu, on découvrit tout le pot aux roses. Il fallut bien reconnaître alors que l'on avait affaire à un escroc de belle envergure. Sous le couvert de l'honorable nom qu'il portait et d'une fortune médiocre, Edwin Leggers, utilisant un assez maigre capital en guise de revenu, usant d'un rare entre-gens et d'un culot monstre, avait joué et peut-être gagné une partie formidable. Usant de son argent, de ses dehors, de ses qualités physiques, de son éducation, il avait donné confiance, su se concilier des sympathies, des amitiés. On se souvint tout à coup de sa chance prodigieuse au jeu. On découvrit, sous l'achat de l'hôtel, des meubles, des objets d'art, un micmac invraisemblable. Rien n'était payé. Tout cela n'était qu'un bluff savant. On arrêta, comme étant sa complice, Elizabeth Leggers, laissée en plan par son peu scrupuleux époux. On l'arrêta chez les McOwen qui l'avaient recueillie. Elle protesta de sa bonne foi, dit qu'elle ignorait tout des affaires de son mari, pleura, gémit, donna ses bijoux pour désintéresser les créanciers. Elle apprit alors, avec une horreur non dissimulée, que presque toutes ses pierreries étaient fausses, les vraies ayant été, à son insu, remplacées par des imitations. Malgré la caution offerte par les McOwen, on la mit en prison. Mais tous les efforts tentés par la police anglaise pour faire empoigner le coupable demeurèrent vains. Il fut impossible de le retrouver, tant et si bien que la malheureuse Elizabeth fut jugée seule. Elle plaida non coupable, pleura, protesta de sa naïveté. Elle aimait l'escroc, elle lui avait tout sacrifié. Bref, elle fit un tel tableau et d'une touche si juste et si sincère de sa vie, reconnut si humblement ses fautes que le jury, ému, la déclara non coupable et que le juge l'acquitta et ordonna son élargissement. Mais, en même temps, on prenait contre elle un arrêté d'expulsion par lequel, en lui interdisant à l'avenir tout séjour sur le sol du Royaume-Uni, on lui donnait 48 heures pour quitter l'Angleterre. Le surlendemain, à Douvres, elle prenait le paquebot pour la France sans se douter qu'Elsa Van Leggels allait ne plus la lâcher d'un pas. Chapitre 5. Car toutes ces histoires passionnaient Elsa autant qu'un bon roman. Cette opération de grand style, si bien et si hardiment menée, depuis sa pointe première jusqu'à sa dernière manœuvre et jusqu'à sa rupture de contact, l'avait émerveillée. Et nonobstant l'émotion de la femme de l'escroc, ses aveux publics, les regrets qu'elle manifestait d'avoir prêté la main, malgré elle, à une telle série de malhonnêtetés, un doute subsistait dans l'esprit d'Elsa Van Leggels. Si, tout de même, elle était la complice de cet Edwin, se disait-elle. Si, en ce moment, elle jouait un rôle défini d'avance et destiné à détourner sur elle une partie de notre attention. Elle avait fini par faire partager ses présomptions aux deux lapidaires auxquels s'étaient joints Sheldon et Springfield, qui, eux, avaient livré des bijoux ornés de véritables pierres précieuses et à qui l'on avait rendu des montures sans grande valeur, cailloutées de strass, d'émeraudes chimiques, de saphirs scientifiques, de rubis reconstitués, qui faisaient illusion, mais ne pouvaient satisfaire aux réclamations des deux maîtres joailliers. En tout, Edwin Leggers avait emporté pour une douzaine de millions de francs de valeur de banknotes, de perles et de pierreries. La somme valait la peine qu'on essayât de la récupérer. C'est pourquoi Elsa se trouvait sur le même bateau que Mrs. Leggers. Elle emportait avec elle tous les papiers voulus, toutes les preuves de sa mission, de façon à n'avoir qu'un geste à faire, le cas échéant. Ce fut, trois mois durant, une course épique. Elisabeth Leggers ne fit que passer à Paris. Mais là, les soupçons d'Elsa reçurent une confirmation singulièrement solide, car la jeune femme, partie avec un viatique de 100 livres pour toute fortune, viatique dû à la pitié de Philip McOwen, descendit dans l'un des plus grands hôtels de la rive droite. Le lendemain, elle se rendit dans une banque où elle toucha une très forte somme, puis alla chez des couturiers, des modistes. Enfin, un beau matin, elle partit pour Rome. Elsa, qui savait se faire renseigner, prit le même train qu'elle. De Rome, la jeune femme se rendit à Venise, où, dans le meilleur palace, elle fut reçue à bras ouverts par son mari. Mais si Elisabeth n'avait guère changé, Edwin était méconnaissable. Très brun, portant des favoris en côtelettes, une moustache à l'autrichienne et parlant l'italien avec un aplomb imperturbable, il fut passé 20 fois à côté d'Elsa sans qu'elle le reconnût, de son propre aveu. Le mari et la femme repartirent pour Rome. De Rome, les deux aventuriers gagnèrent Tunis, puis, de Tunis, la Côte d'Azur. Le printemps était venu, l'air embaumé du parfum de toutes les fleurs, la vie était belle. Mais les pouvoirs d'Elsa, valables pour 3 mois, étaient périmés. Impossible de faire mettre la main au collet des deux coquins. En hâte, elle expédia ses papiers à Londres en suppliant qu'on les lui réexpédiât dardard, timbrés des cachets et paraffés des signatures indispensables. Mais les bureaucrates ne sont jamais pressés. 3 semaines durant, Elsa attendit, en se rongeant les poings d'impatience, que les bienheureux papiers lui fussent réexpédiés. Elle ne les avait pas encore reçus quand les deux escrocs partirent précipitamment pour Paris. Elsa, sans papier, sans mandat, sans rien d'autre que sa carte d'identité, partit avec eux. Ils ne semblaient ni l'un ni l'autre prêter la moindre attention à ce qui se passait autour d'eux, et plus que jamais épris l'un de l'autre, ils marchaient, tout vivants, dans leurs rêves étoilés de diamants, de rubis et de perles. « Enfin !» dit Elsa un beau matin. Elle venait de trouver dans son courrier toutes les autorisations nécessaires, un nouvel extrait du jugement condamnant Edwin Leggers par défaut, une introduction en rêve du chef police de Londres pour le chef de la Sûreté de Paris. Elle pouvait agir, et ne s'en fit pas faute. Chapitre 6. Elle courut au quai des Orfèvres, où l'on n'avait pas oublié certaines de ses aventures, se fit reconnaître, obtint que l'on tendît une discrète souricière où ses clients ne pouvaient pas manquer de se faire prendre. Puis elle déjeuna dans la grande salle de l'hôtel, non loin des deux escrocs qui riaient, bavardaient en chipotant les hors-d'œuvre. Cette fois, elle les tenait bien. Elle les couvait des yeux comme le chat couve la souris, d'un œil patelin, et tout en préparant ses griffes aiguës dans le manchon fourré de ses pattes. Enfin, le couple se leva pour passer au fumoir où l'on servait le café. Mrs. Leggers fuma une égyptienne de bonne marque, avala son café et dit en réprimant un petit bâillement « My dear, je suis un peu fatiguée. Je vais aller faire la sieste pendant 1 heure. » Je vous rejoindrai tout à l'heure, le temps de boire un verre de fine, de fumer encore une cigarette et d'écrire une lettre urgente. Vous permettez ? Mais oui, à tout à l'heure. Bravo, se dit Elsa, c'est leur habitude de faire la sieste. On va les poisser là-haut au moment voulu, sans scandale, sans témoin ou presque. Tout va bien. Elle vit Edwin Leggers s'installer dans l'un des box d'acajou aménagés pour la correspondance des clients de l'hôtel. Elle vit monter la fumée de sa cigarette. Elle le vit poser sur le rebord de la table son long chibouk d'ambre vert cerclé d'or et son stylo. Elle le vit, tête nue, quitter la table, se diriger vers le bureau du chef portier, donner sa lettre, puis gagner d'un pas nonchalant la porte des lavabos. « Et ensuite » demandai-je. « Ensuite, c'est tout, » dit Elsa. L'homme et la femme, avec la même habileté, avec la même souplesse, nous ont filé dans les mains. Ils ont tout laissé là, sauf les pierreries, bien entendu. Je voyais, à sa place à lui, dans le fumoir, son verre de fine, à peine commencé, sa canne, son chapeau, ses gants. À sa table de correspondance, j'apercevais le bout de son chibouk d'ambre, la plume d'or de son stylo qui dépassait un peu sur le côté de la table. Je voyais monter au-dessus de l'étagère de cuivre, d'acajou et de cristal qui me le cachait, lui, la fumée de sa cigarette. Quelle maîtrise de soi possédait cet homme qui, s'étant certainement douté de quelque chose de menaçant à son endroit, avait joué si magnifiquement cette comédie du calme absolu, de l'assurance totale, jusqu'à me donner le change, à moi qui le filais depuis 3 mois, jusqu'à faire jouer son rôle à sa complice avec la même perfection. « Et vous n'avez jamais remis la main dessus ?»« Non, jamais. Toutes les polices du monde entier ont eu leur signalement, leurs photos. » On n'a jamais rien découvert les concernant. Ont-ils péri en mer, sombré sur un bateau qui s'est perdu corps et biens ? Il y en a eu plusieurs qui, à cette époque, sautèrent sur des mines dérivantes. Ont-ils fait si complètement peau neuve que nul jamais ne les ait soupçonnés et vivent-ils paisiblement de leur rente dans quelque coin du globe ? C'est ce que je ne saurais dire. « Toujours est-il que ce fut le plus beau ratage de ma vie, » conclut Elsa. N'empêche que si j'avais eu mes papiers à Nice, je les eusse bel et bien agrafés l'un et l'autre. Mais pourquoi ne les avez-vous pas fait arrêter à Rome ou à Venise, ou même à Tunis ? À Rome et à Venise, on me regardait déjà de travers, et d'ailleurs, je n'étais pas accrédité près de la police italienne. À Tunis, j'ai craint une traîtrise, car là-bas, avec un bakchis sérieux, on peut tout obtenir. J'étais à peu près certaine que mes 2 tourtereaux seraient prévenus, car là comme partout, ils avaient facilement la main large. Et le fameux mot « généreux comme des voleurs » ne pouvait s'appliquer mieux qu'à eux. Enfin, à ce moment, on usait envers les Américains, tous les Américains en France et ailleurs, d'une extrême considération et d'une large indulgence. À Paris même, on eût peut-être regardé à 2 fois de me prêter aide et assistance s'il ne s'était agi de délinquants ayant eu maille à partir avec la justice anglaise. N'oubliez pas qu'Edwin était condamné par défaut, que sa femme, du chef de complicité, avait été acquittée. Non, croyez-moi, la partie était dure à jouer, et si quelque chose peut me consoler de l'avoir perdue, c'est de m'être trouvé, pour la tenir, en présence de tels adversaires. Fin de La Grande Vie.